When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really grab me tight, all the way home I'll be warm. Début de soirée, merci d'écouter Espace Bourrachard, 18h, tout de suite un nouveau point info national et international. L'essentiel de l'actualité. Bonsoir à tous. Le domaine et le château de Versailles seront fermés de manière préventive samedi en raison d'un projet de manifestation des gilets jaunes dans la ville, ont indiqué le château et la préfecture des Yvelines. Le préfet des Yvelines, Jean-Jacques Brott, doit exposer demain le dispositif d'encadrement de la manifestation que les gilets jaunes projettent d'organiser à Versailles, a indiqué un bref avis de la préfecture. Cette fermeture exceptionnelle de l'ancien château des rois de France est réalisée de manière préventive sur recommandation de la préfecture. Les deux avocats généraux ont demandé une condamnation de Francis Holm à la perpétuité aujourd'hui devant la cour d'assises de Versailles, sans aveu à leur disposition et sans preuve, puisque les scellés ont tous été détruits en 1995 à l'initiative du parquet. Ce sera ensuite au juré de décider du sort de Francis Holm dans ce dossier. L'homme est déjà condamné à de multiples peines de prison et restera enfermé à l'issue de ce procès. Le producteur de cinéma américain déchu, Harvey Weinstein, poursuivi pour agression sexuelle, s'est vu refuser aujourd'hui sa demande d'abandon des charges pesant contre lui, a annoncé son avocat. Harvey Weinstein, producteur de cinéma autrefois tout puissant, dont le cas est à l'origine du mouvement MeToo, a été accusé de harcèlement et d'agression sexuelle par plus de 80 femmes. L'aéroport international de Gatwick, près de Londres, est plongé dans le chaos aujourd'hui. Plusieurs drones ont été vus survolant les pistes, ce qui a entraîné la suspension totale du trafic. Cet acte délibéré, selon la police, a cloué au sol de nombreux passagers et des dizaines de vols ont été déroutés vers d'autres aéroports. Tous les vols sont annulés jusqu'à 19h au moins. Le retour à la normale pourrait prendre plusieurs jours, a prévenu le directeur général de l'aéroport. Enfin, des chercheurs de l'Institut Pasteur annoncent avoir réussi à détruire des cellules infectées par le VIH. Leurs travaux publiés dans la revue scientifique Cell Metabolism ne représentent pas à ce jour une perspective de traitement, mais bien un espoir vers une guérison des malades du sida. Aujourd'hui, le traitement du sida se fait grâce aux antirétroviraux découverts dans les années 90 et utilisés pour bloquer l'infection, mais ils n'éliminent pas le VIH de l'organisme. Les malades doivent donc prendre leur traitement à vie. Malgré cette découverte, la marche reste très haute avant une possible guérison totale du VIH. Sur la plus normande des radios, Ludo, 17h-19h. Venir dans quelques minutes, Norm, narcissiste, et tout de suite Dimitri Vegas, Like Mike avec OPA. L'After School d'Espace. Vous écoutez Espace. Oui, bonjour, je suis Sandrine de Boisemont dans l'Eure. Je voudrais m'inscrire pour le jeu des winners de Noël. Bonne journée. Salut, c'est Jessie. Ouais, salut Ludo. Si tu cherches un winner pour Noël, bah appelle-moi. Merci, à bientôt, j'espère. Bonsoir Espace, on vous appelle, on voudrait être les winners pour gagner des cadeaux de Noël. Bon Noël, Espace, merci. Salut, c'est Laetitia, j'appelle pour le jeu. Salut. Oh, t'es le winner des cadeaux de Noël. Je vous embrasse tous, Radio Espace. Bisous, bisous. Merci. Hello, c'est un winner de Noël. Bonjour à toute l'équipe d'Espace. Je vous embrasse. Salut, je tente ma chance pour que Ludo me rappelle pendant l'After School. Et j'espère à bientôt. Salut, Espace. Thank you. c'est le Père Noël. Dites-moi, vous voulez gagner des cadeaux ? Rien de plus simple. 0 950 35 50 50, le premier qui arrive, c'est gagné. Merci Espace. Take a picture of all my flaws, or you could take a video on your phone. And I know that I would talk, but I'm too afraid to pick you up and go on. I'm feeling dazed like a magazine, finding my sanity, wishing it'll all go away. Now I'm smoking up the balcony, telling me profanities, maybe it was never okay. 3, 4, 5's Wednesday, you told me I'm a narcissist, doing it again. Took a bunch of acid and you told me not again. Now I gotta tell her that I love her, not for friends. 3, 4, 5's Wednesday, you told me I'm a narcissist, doing it again. Took a bunch of acid and you told me not again. Now I gotta tell her that I love her, not for friends. Tempo à l'instant, normal en début de soirée, c'était énorme avec un narcissiste sur la plus normande et picarde des radios. Alors le Père Noël Espace s'est passé tout à l'heure vers 17h15 pour Jennifer et Gilles qui habitent à Louviers. Et c'est carrément trop bien le Père Noël Espace, il y a plein de cadeaux tout le temps. 18h10, dans 3 minutes et juste après la pause, ce sera Angèle avec Tout Oublié. Service carte grise et permis de conduire, ABC carte grise à Pont-Audemer et à Lisieux. Gagnez du temps et de l'argent. Nouveauté 2018, renouvellement de permis de conduire. Profitez-en. Réalisation de carte grise et permis de conduire ou tout service carte grise et plus encore. Changement de carte grise, renouvellement permis de conduire, changement de domicile, duplicata, etc. Votre nouvelle carte grise directement chez vous en quelques jours. ABC carte grise à Pont-Audemer, 8 boulevard Pasteur, à côté de la gendarmerie et à Lisieux, 39 route d'Alençon, face à l'ancienne poste. Gagnez du temps et de l'argent. Infos et tarifs sur info@abccartegrise.fr. Le France Bernet, votre club référence en Normandie. Retrouvez tous les week-ends deux salles, deux ambiances. La première généraliste, la seconde année 70-80 pour des soirées souvenirs. Le France Bernet, une déco soignée et sans cesse renouvelée pour une expérience toujours aussi inédite. Le France Bernet, route d'Alençon et sur les réseaux sociaux. Gujulanskaliavalla, oh, et Gott nicht, oh.

comme d'hab, je peux pas m'en empêcher, je l'ai un petit peu retraficoté, redopé, reflangé, un peu dans tous les sens. Un instant, Beverly Brown avec Gonna Get Over You sur la plus normande et Picard des Radio. Merci de nous avoir choisi. Bonne soirée, tout de suite à 18h30, un nouveau point d'actualité locale et régionale sur Espace. Espace. Espace. L'info régionale, Normandie-Picardie. Bonsoir à tous. On a appris le suicide avec son arme de service d'un militaire de la base aérienne 105 d'Evreux. Cet opérateur sur avion radar s'est donné la mort vendredi dernier alors qu'il était en opération extérieure. Une cellule de soutien psychologique a été mise en place hier. Une enquête de gendarmerie est en cours pour rechercher les causes de la mort, même si la thèse du suicide reste privilégiée. D'ailleurs, la direction de la base évoque une raison personnelle pour tenter d'expliquer le drame. Il s'agit du deuxième suicide sur la base aérienne 105 en l'espace de 13 mois. Une ex-employée d'un bar-tabac situé dans l'agglomération du Havre soupçonnée du vol de tickets à gratter a été interpellée lundi lorsque les cartons de tickets à gratter arrivaient dans l'établissement. La salariée les aurait scannés pour signer leur bonne réception, puis dérobés. La femme de 39 ans aurait gratté elle-même les tickets et encaissé les sommes gagnées. Les enquêteurs ont découvert d'ailleurs 48 000 euros de versement de la Française des Jeux sur son compte. Impossible en revanche de savoir combien l'ex-employée a touché en espèces. Le préjudice équivalent au manque à gagner de la vente des tickets s'élève pour le buraliste à 180 000 euros en 2 ans. En garde à vue, la femme a nié les faits. Entre fin novembre et la mi-décembre, autour de Rouen, 5 casernes de sapeurs-pompiers ont été la cible de cambrioleurs, d'abord à Barentin, puis une tentative à Canteleu, ensuite à Sotteville-lès-Rouen, Grand-Couronne et Grand-Quevilly. Le but, voler la recette de la vente des calendriers, un butin de plusieurs centaines d'euros d'argent liquide. À Sotteville-lès-Rouen, les cambrioleurs ont dérobé la voiture d'un sapeur-pompier également. Selon les zones, des enquêtes de police ou de gendarmerie sont ouvertes. Nouvelle manifestation lycéenne aujourd'hui en centre-ville de Rouen, mais aussi devant le lycée de la Mare de Bouteville à Forges-les-Aulles. Les lycéens à Braillon protestaient contre la plateforme Parcoursup, mais aussi contre la fermeture d'une classe technologique. Le festival Beauregard à Hérouville-Saint-Clair dans le Calvados, le festival normand le plus fréquenté avec 108 000 spectateurs cette année, a dévoilé aujourd'hui 4 nouveaux noms d'artistes de sa programmation du 4 au 7 juillet prochain. Tout d'abord, Thérapie Taxi, le trio parisien connaît un grand succès depuis plus d'un an avec des textes décomplexés. J'arrive dans la pièce, j'arrive dans la pièce, t'es en sus. Ta meuf est trop bonne et j'ai trop bu. Jean, cocktail et costume bleu. Regarde amour, regarde feu. Tu paniques en nage et t'es perdu. Elle a lâché ta main dès qu'elle m'a vu. Luxe hôtel, chambre sur mer. Je vis dans ses rêves, loin des concours. Autre invité, Roméo Elvis, qui représente avec sa voix profonde la nouvelle vague du rap belge. Sur scène également, Étienne de Crécy, figure phare de la scène électro-internationale. Et puis, en clôture du festival, le duo Disclosure. Ces artistes rejoignent ceux déjà à l'affiche comme Tears for Fears, Angel ou encore Suprême NTM. En handball en Pro League, Vernon se déplace ce soir à Saran, près d'Orléans. Vent, pluie, soleil, brouillard, froid, quel que soit le temps, votre confort, c'est JV Service. La météo en Normandie avec Jean Vasseur et toute l'équipe JV Service. Et puis côté météo, pour demain, c'est le retour d'une dégradation nuageuse avec des averses de pluie. Le thermomètre grimpera toutefois à 12 degrés sur le Pays de Bray et 13 degrés sur le département de l'Eure, de Bernay à Gisors ou d'Evreux à Louviers. Bonne soirée à tous sur Espace. Plomberie, chauffage, dépannage, installation, JV Service Louviers, 21 boulevard Joffre, 02 32 59 73 20. JV Service Rouen, numéro Azur, 0821 020 028. Température moyenne, j'ai 8 degrés. Indice de l'air en Normandie avec Atmo Normandie, j'ai 3 sur 10. On attaque cette nouvelle demi-heure avec Megan Trainor et Sean Paul pour Hey DJ. Bonjour Radio Espace, c'est Jade de Gaillon au 05 de Rosbeck, mon frère, grand Vivi, c'est le portable de ma maman. Au revoir Radio Espace. Bless them, it's a DJ, make the music play, make the girl like hey. Every day, make them say. Even if I know it's wrong, hope the DJ plays our song so you can find me and dance behind me. You love how I dip and wine. With you it happens every time. My body's lonely for you only. Something about you got me sweating, sweating, baby.

Salut à tous, nous sommes le jeudi 20 décembre. Ce soir sur TF1, une très bonne série policière, Balthazar, hein, c'est écrit par des spécialistes de ce genre de série, et du coup ça envoie le steak. Hein. Mais alors limite la méga entrecôte en pleine face. France 2, c'est un événement, une émission mythique des années 60 ou 70, voire des années 50, je ne sais plus, c'était présenté à l'époque par Jacques Chancel. Et mon ami Dan, monsieur Vintage aujourd'hui, avait déjà 30 ans, c'est pour vous dire si l'émission est vieille. C'était le rendez-vous culturel de la semaine à la télévision française, hein. Le grand échiquier est de retour ce soir, mais j'ai quand même un petit peu peur, hein, parce que généralement, les remakes de ce genre de choses, on est toujours un peu déçus. France 3, Possession, un drame français avec Jérémy Seigné et Julie Depardieu. Ce film est tiré d'un fait divers, hein, souvenez-vous de l'affaire Flactif. Vous savez, les gens qui ont tué un couple de millionnaires pour essayer de récupérer tous leurs biens. Canal, L'Ami prodigieuse, une série dramatique en 9 épisodes. L'histoire se passe en Italie dans les années 50. Il y a une jeune fille qui rentre au collège, un mafieux local, un garagiste, enfin bon, la vie il y a presque 60 ans. Arte, classique du cinéma américain, ça date de 1951, L'Inconnu du Nord Express. C'est signé Alfred Hitchcock, donc déjà d'entrée tu sais que tu vas voir la trouille et l'histoire se passe dans un train. M6, une série super drôle, Papa ou Maman, toute la soirée avec uniquement des inédits. C'est la vie de famille avec tout ce que l'on peut connaître au quotidien, les embrouilles, les enfants, les prises de tête, les ados insupportables. Quoi, faut bouger, attends, y a du réseau là-bas, sinon je peux pas y aller. Le meilleur de la TNT, Enquête sous haute tension, Flic ou voyou, La Bague de Rennes en action. W9, Issa Doumbia présente les W9 d'or. Voilà, c'est terminé. On se retrouve demain à la même heure et bonne soirée télé. C'était votre programme TV avec l'Immobilière Normande. Groupe de 8 agences pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90. Et maintenant, écoutez un titre que vous n'entendez jamais sur Espace. Ça va vous surprendre. Mais Ludo est assez fou pour vous le diffuser. 19h dans quelques minutes, Dorian prend le relais pour l'afterwork. 21h-23h avec Manu pour Funky Mix. Moi je vous donne rencard demain dès 17h avec le Père Noël Espace et tous ses lutins. Voici un Marc Lavoine avec Ella, les yeux, Revolver. Belle soirée, J-4 pour le réveillon de Noël. Ciao, à demain. Un peu spécial, elle est célibataire. Le visage pâle, les cheveux en arrière. Et j'aime ça. Elle se dessine sous des jupes fendues et je devine des histoires défendues. C'est comme ça. Tellement si belle quand elle sort. Tellement si belle, je l'aime tellement si fort. Elle a les yeux revolver. Elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première, m'a touché, c'est foutu. Elle a les yeux revolver. Elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première, elle m'a touché, c'est foutu. Un peu largué, un peu seul sur la terre. Les mains tendues, les cheveux en arrière. Et j'aime ça. À faire l'amour sur des malentendus, on vit toujours des moments défendus, c'est comme ça. Tellement si femme quand elle mord. Tellement si femme, je l'aime tellement si fort. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première, m'a touché, c'est foutu. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première, elle m'a touché, c'est foutu. Son corps s'achève sous des draps inconnus. Et moi je rêve de gestes défendus. C'est comme ça. Un peu spécial, elle est célibataire. Le visage pâle, les cheveux en arrière. Et j'aime ça. Tellement si femme quand elle dort. Tellement si belle, je l'aime tellement si fort. Elle a les yeux revolver. Elle a le regard qui tue.

nouveau. Au début, je m'attache. Après 2-3 mois, nos souvenirs sont lointains. C'est pas que je t'aime pas. Aujourd'hui, je t'aime pas. Je pourrais t'avoir demain. Et les autres savent pas qu'à chaque fois qu'on se croit, c'est le temps qui s'arrête. À deux dans l'impasse, j'essaie de faire le vide, mais mon passé refait surface. Et si dans ma vie je te fais mal, comprends que ce n'était pas le but. Des envies de prendre le large, pourrais effacer tes amertumes. Envie d'avancer si vous saviez à quel point je m'en veux. J'ai besoin de faire le vide, il me faut du nouveau dans ma vie, je le tente. Elle est prête mais c'est moi qu'elle attend. J'ai déjà perdu beaucoup de temps. Elle dit qu'elle est prête mais c'est moi qu'elle attend. Donne-moi un peu de temps. S'aimait plus, est-ce qu'on s'aimait mieux quand on se connaissait moins? Quand on était juste, heureux d'être ensemble, je sais plus si je m'en souviens. T'attends des excuses, même excuses, ce serait avouer ma faute. Si t'avais prévenu, ça devait déjà faire longtemps que je t'écoutais plus. J'ai jamais changé, j'en suis fier, pourtant je suis toujours aussi bête. Si je peux pas revenir en arrière, je peux devenir ce que j'aurais dû être. Tu m'avais donné ta confiance, j'ai pris la confiance. Donne-moi juste une seconde chance, donne-moi juste un peu de patience. Et elle dit qu'elle est prête mais c'est moi qu'elle attend. J'ai déjà perdu beaucoup de temps. Elle dit qu'elle est prête mais c'est moi qu'elle attend. Donne-moi un peu de temps. Regarde un œil sur moi et pense à moi abondamment. Si l'amour embête, on s'est rencontrés tout bêtement. Donne-moi une seconde chance, suis mon cœur, donne-moi le temps. Elle dit qu'elle est prête, mais c'est moi qu'elle attend. J'ai déjà perdu beaucoup de temps. Elle dit qu'elle est prête, mais c'est moi qu'elle attend. Juste après ça. C'est nouveau dans l'Afterwork MHD Orelsan, le temps sur Espace en Normandie, en Picardie. Bonne soirée et rencard demain aux Anglis pour un grand concert place Nicolas Poussin. 19h09, la pub avant Kaigo et Sandro Cavazza tout de suite. Écoute ça. Écoute ça. C'est frais. C'est frais. Écoute. La ville de Gisors vous invite à visiter son village de Noël du vendredi 14 décembre 2018 au dimanche 6 janvier 2019 en centre-ville. Vous y retrouverez son majestueux sapin, ses illuminations, ses chalets en bois proposant leur lot de douceur, de produits régionaux, d'idées de cadeaux, d'artisanat en tout genre. Une patinoire de glace vous invite à patiner en musique, sans oublier la présence du Père Noël. Gala d'ouverture samedi 15 décembre à 18h. Nous vous attendons nombreux. C'est Noël à Gisors. Votre magasin de running Foulée Georgie à Louviers change de propriétaire et rénove tout. Jusqu'au 7 janvier, liquidation totale avant travaux. Profitez de remises jusqu'à moins 60%. C'est le moment pour profiter du meilleur du running à Louviers. Foulée Georgie, à rue du Docteur Postel. Votre Intermarché de Noël vous propose d'écouter le prix du jour. Oh non, maman!

C'est nouveau. C'est nouveau. Espace Radio. On se voit plein la tête, mais pas un seul que je regrette. Des fous rires chaque fois que se croisent nos regards. Des journées à se raconter toutes nos histoires. Et même si le temps passe, tu n'es jamais loin de moi. Ça passe ou ça casse, nous deux c'est bien plus que ça. Jamais sans toi, I'm happy to have you in my life. Te serrer dans mes bras ou te donner le smile. Désolé, always been so hard for me to find the words to say. Un peu beaucoup no way. Avec toi tout est plus facile. Y'a des hauts, y'a des bas, mais surtout il y a toi. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, tu seras toujours là. Même savoir que la France est arrivée deuxième de l'Eurovision Junior il y a quelques semaines grâce à ce titre-là, Angelina, Jamais sans toi, dans l'Afterwork. Passez une très belle soirée, soyez prudents sur les routes et vous avez rendez-vous du côté de Val-de-Reuil ce samedi pour le Noël de la solidarité à la Maison des Jeunes et des Associations avec le Père Noël en personne ou encore les personnages de Walt Disney qui seront présents. En parlant de Noël, J-4 maintenant et on ouvre aujourd'hui la 20e case du calendrier de l'Avent. J'espère que le Père Noël vous gâtera encore cette année. Passez de très belles fêtes sur Espace, déjà 19h19. Et c'est le moment de réécouter Valérie qui a gagné son cadeau ce matin dans le morning. Oui. Bonjour Cédric. Cédric, Espace Normandie Picardie, comment vas-tu? Bah ça va, on s'est déjà vu sur Etrépanie. On s'est déjà vu sur Etrépanie, bon on se voit beaucoup alors Valérie, écoute, c'est pour ça. Et moi je t'appelle parce que tu as aussi été la première pour gagner un cadeau du Père Noël. Ouais. Et ça sent peut-être bon, mais avant je vais te demander, donc tu habites du côté d'Etrépanie, c'est ça? Tu as quel âge? 46 ans. Donc c'est jeune, donc il n'y a pas de souci. Et comment se préparent les fêtes de Noël de ton côté? Ben ça va, ça se prépare tout doux. On attend les salaires pour faire les courses. Ah oui, c'est vrai. C'est sûr. Et alors, qu'est-ce que tu as demandé, toi? Tu as des enfants? Oui, j'en ai un qui va avoir 20 ans. Oula, bon, qu'est-ce qu'il a demandé à 20 ans? Des vêtements, de l'argent, des chaussures. Ah bah, c'est pas mal. Et si on lui rajoute, ou alors pour toi, une enceinte Bluetooth, qu'est-ce qu'il en pense, d'après toi? Ah bah, ouais, c'est simple. Eh bah écoute, l'enceinte Bluetooth, c'est gagné, c'est pour toi Valérie. Ah bah génial, super. Voilà, c'est super bel espace. Merci, c'est bah, gentil. Avec plaisir, merci du coup de ta fidélité. Bon courage, merci. Et surtout, belle fête. Et garde ce dynamisme et cette pêche qui fait plaisir le matin. Merci, pas de même. À bientôt. Bonne fête à tous les auditeurs d'Espace. À bientôt, au revoir. Plus de son, plus de tubes. Plus de son, plus de tubes. Maintenant, Espace en Normandie. Baby, we'll be together when you come over.

lately. I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. Even though I might not like this, I think that you'll be happier. I want you to be happier. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile. No, that means I'll have to leave. Des nouveautés de la semaine dans l'Afterwork, c'était Marshmallow et Bastille avec Happier. Bonne soirée, bon retour chez vous après cette longue journée de travail et d'école. Et puis bon courage à ceux qui taffent évidemment ce soir et cette nuit. Demain soir, les vacances de Noël, on va enfin pouvoir se détendre pour ceux qui en ont bien sûr. Il est déjà 19h26. Ils sont incontournables. Sur Espace, écoutez les meilleurs souvenirs. Et comme d'habitude à cette heure-ci, on va évidemment passer en mode souvenir avec aujourd'hui Baltimore à Tarzan Boy, en vous rappelant que vous pouvez toujours nous laisser vos coordonnées au 0 950 35 50 50 et vous aurez peut-être la chance d'être tiré au sort par le Père Noël Espace pour remporter votre cadeau dans le morning ou l'after school. C'est super top. Bonne soirée à tous. Grand tube sorti en 1985 et on est ravis de le réécouter ce soir dans l'Afterwork Baltimore à Tarzan Boy en Normandie, en Picardie. Bonne soirée à vous et rancard ce samedi du côté d'Évreux pour une énorme journée de Noël dans le centre-ville avec Espace. Nous serons sur place, le tout avec une parade, le Père Noël et tout ce qui va avec. On compte sur vous pour être là. Déjà 19h30, voici l'actu locale et régionale avec la rédac. Espace. L'info régionale, Normandie-Picardie.

Cameron, je laisse passer sur la plus normande et picarde des radios du côté d'Évreux, de Lyons-la-Forêt ou encore de Pont-de-l'Arche, où vous avez d'ailleurs rendez-vous là-bas demain dès 19h sur la place Hyacinthe-Langlois pour un spectacle de feu avec Boba Mev et ensuite les commerces ouverts jusqu'à 21h à l'occasion de la nocturne de Noël. Passez une très belle soirée, il est déjà 19h46. Soyez prudents sur les routes, voici de nouveaux messages provenant de Vendrimard et des Andelys, écoutez. Bonjour, du 18 au 20 décembre, les vêtements de fête sont à moins 50% à la boutique à toute vapeur aux Andelys. Et bien sûr, vous trouverez toujours des cadeaux à petit prix. Alors n'hésitez pas à venir, 64 rue du Maréchal Leclerc aux Andelys, ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 et l'après-midi de 1h30 à 6h30. À bientôt. Bonjour à toutes et à tous. L'association des coureurs de la vallée de l'Andelle organise avec le Club de Vendrimard ce dimanche 23 décembre la course de Vendrimard. Ce sera la 7e étape du 34e Challenge de l'Andelle. Du plus jeune type 3 ans au plus âgé type 70 ans. Toutes les catégories y sont invitées. Chacune avec sa distance bien entendu. Du 150 mètres pour les biberons au 10 km pour les plus âgés. Venez aider le Père Noël à participer à la course de 10 km et y distribuer ses cadeaux. Mais ne le dites à personne, c'est un secret. Rendez-vous pour tous, salle socioculturelle de Vendrimard, près de Fleury-sur-Andelle. Inscription sur place à partir de 8h30 ou sur internet sur le site Challenge de l'Andelle, en un seul mot. Départ de la première course, 9h30. Médailles et bonbons pour tous les plus jeunes, de superbes coupes et trophées pour les 3 premiers de chaque catégorie et un tirage au sort final. Renseignements auprès de Didier au 06 18 66 41 98. Merci Radio Espace. Au revoir et à dimanche. But when I lean for the kiss, you said I'll probably send you some pics. And I'm like, hell nah, been waiting too long. Hell nah, I want that cruel love. Hell nah, been waiting too long. Hell nah, I want that cruel love. Body on my, losing all my innocence. Yeah, body on my, finding all my innocence. Yeah, body on my. Losing all my innocence, yeah, body on my. Finding all my innocence, yeah, body on my. Losing all my innocence, yeah, body on my. Finding all my innocence, yeah, body on my. Losing all my innocence, yeah, body on my. Finding all my innocence, yeah. Incidental. My bad, never got the memo that you never have fun while you're in the limo. Yeah, you wanna ride in the six, you wanna dine in the six. But when I lean for the kiss, you said I'll probably send you some pics. And I'm like, hell nah, been waiting too long. Hell nah, I want that cruel love. Lord Luxury et Brando Body sur Espace dans l'Afterwork. Bonne soirée à vous à Pont-Audemer ou encore à Honfleur où le marché de Noël se poursuit sur la place de l'Hôtel de Ville. Et le vendredi 28 décembre, dans une semaine, on se retrouvera en direct de 19h à 21h pour l'Open Show 4, spéciale fête de fin d'année. Et le Père Noël vous offrira également des cadeaux dans cette émission. En parlant de ce fier Papa Noël, il est passé tout à l'heure dans l'After School et c'est Jennifer de Louvier qui a été tirée au sort. Écoutez. Oui, allô. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va? J'adore la voix déjà, le bonjour me plaît carrément trop bien. Je crois que j'appelle quelqu'un qui habite à Louvier, c'est ça? Oui. Ouais. T'habites à Louvier ou tu bosses à Louvier? Parce que j'ai pas bien compris le message en fait.